Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence Le Chevalier au Dragon avec Emanuele Arioli, maître de conférence en histoire médiévale dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginaires. Au cours de ces quelques minutes, on va explorer trois choses. On va explorer d'une part qui est Ségurant, la mature arthurienne, et puis on va explorer aussi l'enquête pour vous montrer comment il est possible, en 2024, d'exhumer un roman arthurien, finalement, jusque-là méconnu. Mais avant ça, Emanuele, est-ce que tu peux peut-être nous planter le décor, nous dire c'est quoi cette matière de Bretagne, cette légende arthurienne, et qui est Ségurant, comment il vient s'insérer dans ce récit ? Oui, tout à fait. Alors, la légende du roi Arthur est une légende qui naît en terre celte, donc dans la Grande-Bretagne et dans la région Bretagne, est une matière qui a été transmise pendant des siècles de manière orale, qui remonte peut-être au VIe siècle, mais ses premières traces écrites importantes remontent au XIIe siècle. Et donc, c'est l'histoire, et je le dis pour les plus jeunes, de ce grand roi qui réunit autour de lui ses meilleurs chevaliers autour d'une table ronde. Pourquoi ronde ? Parce que tous les chevaliers ont la même importance, et la grande mission des chevaliers de la table ronde est de retrouver le Graal. Donc le Graal qui est interprété comme le calice qui contient le sang du Christ. Donc c'est une mission qui une aventure commune de ces chevaliers. Et donc il y a un nouveau chevalier, ce Ségurant, chevalier qui a été inventé au XIIIe siècle. C'est l'un des premiers romans de la table ronde, écrit en français, mais en Italie, parce que c'est une matière qui était écrite partout en Europe, et le français est une langue en quelque sorte internationale. Donc en Italie aussi, on écrivait en français. Et c'est l'histoire d'un chevalier qui veut devenir le meilleur chevalier de la table ronde. Donc il se rend à la cour du roi Arthur, il participe à un tournoi. On comprend qu'il va être élu, il va être célébré comme le meilleur chevalier, mais comme vous le savez tous, le roi Arthur a une méchante sœur qui est la fée Morgane, et Morgane invoque un diable qui se transforme en dragon et qui se présente au tournoi, et donc Ségurant est obligé par enchantement pour suivre ce monstre. Merci. Alors on aura l'occasion, pour ceux qui seront là encore demain, de reparler de cette méchante fée Morgane, puisqu'elle a fait l'objet d'une uchronie où c'est elle qui tire l'épée, et donc c'est elle qui règne sur le royaume de Locke. On en parlera demain avec Jean-Laurent Del Socorro. Pour revenir à Ségurant, est-ce que ça veut dire, avant tes travaux, Emanuele, qu'on ne connaissait même pas son nom, que c'était un inconnu total, ou est-ce qu'on avait quand même quelques petits éléments concernant ce chevalier ? En fait, à la fin du Moyen-Âge, on fait une liste des chevaliers de la table ronde. Donc, on compte jusqu'à 150 chevaliers environ. Et donc, Ségurant apparaît parmi les noms des chevaliers. On avait donc une description très succincte de ce chevalier, mais on ne savait pas qu'il y avait un roman. Donc, il y a très peu de chevaliers comme Yvain, comme Perceval, qui disposent d'un roman. Donc, on ne savait pas que Ségurant faisait l'objet d'un roman, et d'un roman très vaste. Vous connaissez son nom, avec quelques lignes, mais en dehors de ça, la découverte, et on va venir un peu au procédé, à l'enquête, c'est qu'en traversant l'Europe, tu as réussi à retrouver ici et là des fragments de ce qui constitue aujourd'hui, et vous le retrouvez ici en édition modernisée, en français moderne, donc compréhensible par tous parmi nous. Il n'y a pas besoin d'être un fin lecteur du français médiéval pour se l'approprier. Tu as réussi à reconstituer un peu la cohérence de ce récit. Comment se passe l'enquête ? Quel est le point de départ ? Qu'est-ce qui un jour t'amène à aller voir ce manuscrit 5229 de la bibliothèque de l'Arsenal? En fait, à l'époque, je m'intéressais aux manuscrits français écrits en Italie. Je voulais décrire cette langue écrite en Italie. Et donc, je me suis intéressé à ce manuscrit qui est intitulé « Les prophéties de Merlin ». Mais en fait, quand on ouvre un manuscrit, on ne sait jamais exactement ce qu'on va trouver, puisque dans des manuscrits, on copie parfois plusieurs textes, et chaque manuscrit est unique. Chaque manuscrit est différent. Les copistes parfois modifiaient l'histoire, ou parfois ils compilaient plusieurs textes dans un même manuscrit. Donc, dans ce manuscrit, il n'y avait pas que les prophéties de Merlin, il y avait aussi d'autres épisodes, donc des épisodes qui mettaient en scène Ségurant le chevalier au dragon, mais ce manuscrit était incomplet. Donc on arrivait avec Ségurant, la fée Morgane, et là, ça s'est arrêté au milieu d'une phrase. Et donc, je me suis demandé si ailleurs, je pouvais trouver la suite de l'histoire. Là, vous voyez à gauche le recto et à droite le verso. Je n'avais jamais vu ça, c'est-à-dire que le texte s'interrompt au milieu d'une phrase et le verso est vide. Donc, pourquoi il est vide? Alors, est-ce qu'il y avait un tome 2 qui n'a pas été conservé? Est-ce que le copiste n'avait plus de parchemin? Est-ce que la personne qui payait le manuscrit n'avait plus d'argent pour le payer? On ne sait pas, voilà. Et je me suis dit, est-ce qu'ailleurs, on peut trouver d'autres manuscrits? Il faut savoir que les manuscrits du Moyen-Âge sont des copies, des copies, des copies. Alors, je me suis dit, peut-être plusieurs copies contiennent d'autres épisodes. Et en réunissant tous les épisodes existants, je peux réussir à reconstituer l'histoire. La difficulté est que les manuscrits du Moyen-Âge portent généralement des titres très vagues. Donc, en fait, pour être sûr de trouver les épisodes, il fallait consulter tous les manuscrits liés à la matière du roi Arthur, ce qu'on appelait au Moyen-Âge la matière de Bretagne. Cela signifie des centaines, voire des milliers de manuscrits, pour être sûr d'avoir voilà, consulté absolument tout. Et en effet, au fil de ces années de recherche, parce que tout de même la recherche a duré 10 ans en tout, au fil de ces recherches, je me suis rendu compte que j'arrivais à reconstituer une même intrigue qui s'est poursuivie d'un manuscrit à l'autre. C'est-à-dire la découverte consiste dans le fait d'avoir mis un lien des manuscrits conservés l'un à Londres, l'autre à Paris, l'autre à Venise et l'autre à Bologne, etc. Et cette mise en relation de fragments et de manuscrits qui m'a permis d'exhumer donc un roman jusqu'à présent inconnu. Alors, tu nous dis, hein, finalement, tu lis ce manuscrit, tu as Ségurant. Est-ce que tu te rends compte immédiatement, est-ce qu'à la première fois où tu parcours ce manuscrit, tu te dis, mais déjà, est-ce que tu sais, en fait, qui est Ségurant? Est-ce que tu sais qu'il figure dans une liste? Est-ce que tu as déjà entendu ce nom? Ou est-ce qu'au contraire, tu dis, mais qui c'est ce chevalier? Qu'est-ce qu'il fait là? J'en ai jamais entendu parler. Pourtant, je connais un peu cette histoire. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu parcours pour une raison tout à fait autre? Tu nous l'as expliqué au départ, ce manuscrit. En fait, au début, je suis très étonné de voir ce chevalier. Évidemment, je ne le connais pas. Je me rends compte vite que ce texte est inédit. Mais je ne me rends pas compte de l'ampleur de cette découverte, puisque jusqu'alors, c'était juste quelques épisodes. Et c'est quand j'ai commencé à trouver un deuxième épisode, puis un troisième, puis un quatrième, je me suis dit, mais là, c'est peut-être pas juste quelques épisodes égarés, mais c'est vraiment un roman entier. Et en effet, en 10 ans, j'ai pu réunir 28 manuscrits qui contiennent chacun des morceaux, et il faut savoir qu'aucun manuscrit est complet. Donc vraiment, j'ai pu reconstituer cette histoire en remettant ensemble les bouts. Et je me suis rendu compte aussi que c'est une histoire qui a eu un tel succès qui a été réécrit plusieurs fois pendant 3 siècles. Je me suis rendu compte que, en fait, 2 épisodes ont été traduits en italien. Il y avait 2 mentions de Ségurant en espagnol, 1 mention en anglais. Donc c'est vraiment un texte qui a essaimé à travers l'Europe, qui a eu un grand succès, qui a été réécrit plusieurs fois, si bien qu'il y a plusieurs versions aussi. Donc j'ai reconstitué non seulement un roman, mais un ensemble narratif de plusieurs versions. Et donc la version que vous pouvez lire, c'est cette version où j'écolle tous les morceaux, mais aussi toutes les diverses réécritures de cette histoire. Il y a eu un immense succès, donc. Alors, tu as cette idée, tu as compris qu'il y avait quand même quelque chose à faire autour de ce Ségurant. Il y a combien d'épisodes dans ce premier manuscrit c'est juste 1 ou 2 épisodes sur Ségurant, où il y a quand même une masse qui fait que tu te dis, quand même, là, c'est peut-être pas juste quelque chose d'éphémère, mais il y a peut-être vraiment une chance, un espoir de trouver une histoire complète. Oui, alors dans ce manuscrit, il y a 39 épisodes, mais c'est particulier parce que les romans du Moyen-Âge ne tissent pas un seul fil. Donc en fait, il y a aussi des épisodes où Ségurant il n'apparaît pas. Donc il y a 39 épisodes en tout, mais pas tous les 39. Donc il concerne Ségurant le chevalier au dragon, mais en tout cas, c'est un manuscrit qui contient un bon nombre des épisodes. Il en conserve un bon nombre. Et c'est une chance d'avoir commencé par ce manuscrit, parce que c'est le manuscrit qui contient la partie initiale de l'histoire, et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans cette quête. Peut-être que si j'étais rentré par un autre bout, avec moins d'épisodes, je ne me serais pas lancé dans une quête aussi folle. Alors voilà, tu sais qu'il faut y aller. Tu nous as dit, il y a des manuscrits qui peuvent être à peu près n'importe où, dans les bibliothèques du monde entier, en tout cas de toute l'Europe. Comment on choisit les bibliothèques qu'on va aller explorer? Comment on se dit, tiens, cette bibliothèque, il faut que j'y aille, ou là, non, a priori, il n'y a aucune chance d'y trouver quelque chose. Sur quoi on se base? En fait, j'ai dû établir des listes de manuscrits à consulter. Donc, toutes les grandes bibliothèques, bien sûr, toutes les bibliothèques où on savait qu'il y avait des manuscrits arthuriens. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que, évidemment, je n'allais pas trouver des épisodes dans des manuscrits très étudiés. Il fallait que je cible plutôt des manuscrits moins étudiés. Et donc, c'est ainsi que j'ai trouvé les premières pistes. Puis, quand j'ai compris que le texte a été écrit en français en Italie, c'était vraiment une piste très importante. Et j'avoue avoir trouvé un bon nombre d'épisodes en Italie. Et à un certain moment, je me suis dit, si je veux trouver des épisodes, il faut que je regarde là où les autres chercheurs n'ont pas cherché. Donc, surtout avec des manuscrits dans des conditions très mauvaises, donc des manuscrits en fragments, des manuscrits brûlés. Et c'est ça qui m'a permis d'exhumer des épisodes encore inconnus. Du coup, tu rassembles, tu réunis. Alors, j'imagine que tout ça, ça ne se fait pas de manière automatique. C'est-à-dire que, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, combien de temps il se passe entre ta première découverte et puis la deuxième? C'est-à-dire que, voilà, tu sais qu'il faut y aller, tu commences à parcourir les bibliothèques, je ne sais pas, peut-être d'abord en France, ce qui est le moins loin, ce qui est le plus facile, j'imagine. Et puis, est-ce qu'il y a des moments où, justement, tu as de belles surprises qui donne envie de continuer, parce que j'imagine que, voilà, je rappelle, tu es un doctorant, il y a aussi des questions très matérielles, c'est-à-dire qu'il faut financer tout ça par toi-même. Comment ça se passe et comment tu arrives finalement à aller d'une découverte à l'autre et à te dire que, eh bien, comme le chevalier de la table ronde, il ne faut pas renoncer à cette quête. Il y a eu des moments très exaltants dans lesquels j'ai trouvé beaucoup d'épisodes et puis des moments dans lesquels je n'ai rien trouvé. Donc j'ai fait beaucoup de voyages pour rien, donc c'était vraiment très varié selon les années de cette recherche. Mais le fait de ne pas avoir épuisé les pistes et de trouver encore des choses, voilà, c'est ça qui m'a poussé à aller jusqu'au bout d'où je pouvais aller. Donc là, je considère avoir consulté toutes les bibliothèques et archives accessibles qui pouvaient avoir des textes arthurien. Après, on ne sait jamais, il peut y avoir toujours un autre épisode qui émerge. En tout cas, voilà, actuellement, j'ai épuisé toutes les pistes possibles. J'ai cru comprendre que même si tu ne t'es pas déplacé en Russie, tu as réussi à récupérer quelques microfilms comme ça, de manuscrits assez éloignés. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ça? Parce que je pense que dans l'assistance, il y a même des jeunes publics qui ne savent pas ce que c'est qu'un microfilm. C'est quelque chose qui paraît aujourd'hui peut-être Oui, suranné. tout à fait. C'est-à-dire que dans certains endroits, j'ai eu la chance de ne pas être obligé d'y aller, ce qui aurait été très compliqué à financer. Par exemple, en Russie, et j'ai pu consulter ce qu'on appelle des microfilms. Donc, sur une pellicule, on a les photos qu'on projette à l'aide d'une machine où on voit légère image, mais on arrive à lire. Enfin, voilà, c'est pas très pratique, mais voilà, c'est bien parce qu'on arrive à Économe. consulter, c'est quand même très utile, on arrive à consulter des textes qui sont parfois très éloignés. Donc c'est comme ça, voilà, que j'ai pu consulter aussi, par exemple, des manuscrits en Russie et compléter dans des endroits où je n'ai pas pu aller. Mais évidemment, la plupart, voilà, pour beaucoup de bibliothèques, il n'y avait pas cette possibilité-là, et surtout pour tous les manuscrits vraiment nouveaux, donc les manuscrits qu'on connaissait pas, donc ces fragments volants, ces feuillets volants. Là, il a fallu vraiment aller étudier chaque morceau. Alors, est-ce que tu peux nous parler là de ce que tu viens de citer, ces feuillets volants? C'est-à-dire que, si je comprends bien, les manuscrits ne sont pas tous soigneusement rangés dans une jolie boîte, avec écrit dessus, à défaut de Ségurant le Chevalier, au moins la mention légende arthurienne, qui aurait pu te dire, voilà, là je suis sûr. Quels sont peut-être oui, voilà, les fragments un peu les plus improbables, les plus difficiles à dénicher que tu as pu trouver? Oui, par exemple, à Bologne, à l'Archivio di Stato, il y a des feuillets volants qui proviennent de reliures de livres, puisqu'à la Renaissance, ces manuscrits écrits en ancien français n'étaient plus lus, alors ils étaient dépecés. Et comme le parchemin était une matière précieuse, on revendait chaque feuillet. Les feuillets étaient réutilisés pour relier d'autres livres, des registres des livres. Et ici, donc, ils avaient été utilisés pour relier des registres qui n'avaient rien à voir avec la légende du roi Arthur. Et donc, c'est comme ça, en consultant ces registres, je me suis rendu compte que ces fragments étaient en français. Et puis, bah, dans un fragment, j'ai trouvé donc un épisode de Ségurant. Mais comme vous le voyez, ce sont des textes qui sont difficiles à lire à l'œil nu parce que parfois sont très abîmés. Alors, dans ce cas, on utilise une technique qui est la lampe de Wood, donc la lumière ultraviolette. Et la lumière ultraviolette permet de lire ce qui est illisible à l'œil nu parce que, et si vous le voyez bien, sur un fragment, je projette la lumière ultraviolette et tout ce qui est illisible à l'œil nu devient visible puisque c'est une lumière qui met en valeur les traces de fer dans l'encre. Et donc, on arrive à lire ce qui est illisible. Vous voyez aussi que les manuscrits, non seulement ils ont été utilisés pour relier des feuilles entières ont été utilisés pour relier des registres, mais aussi ils ont été découpés pour renforcer, par exemple, un dos pour un livre. Voilà, on renforce comme ça, on découpe. Et puis, dans ces fragments découpés, j'ai pu trouver aussi des morceaux. Et il y a aussi des choses comme ça. Oui, ça c'était. Bon, évidemment, ça c'est pas un fragment de Ségur le Chevalier au Dragon. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est un fragment en français. C'est un fragment de lié à la chevalerie puisqu'on lit Chevalier amour déçu. Et en fait, ça se trouve à la bibliothèque de Turin où en 1904 il y a eu un incendie terrible qui a ravagé entre 2000 et 3000 manuscrits. Et c'était vraiment le moment le plus difficile, le plus émouvant de ma recherche, puisque quand je suis arrivé à la bibliothèque, on m'a admis dans un endroit où on n'admet jamais les chercheurs, donc dans ces réserves où il y a des cartons, il y a entre 2000 et 3000 boîtes, chacune conservant un manuscrit brûlé, et les manuscrits sont dans des états très différents. Il y a des manuscrits, alors vous en voyez ici un, voilà, des manuscrits un peu comme ça, brûlés, où les pages ont été détachées, des manuscrits qui se présentent sous la forme de blocs, de parchemins brûlés, parce que vous savez, le parchemin est une matière animale, donc avec le feu, ça se rétrécit et ça colle. Et ces blocs brûlés, calcinés, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc actuellement, il y a beaucoup de livres qu'on n'arrive pas à lire. On ne peut rien faire tant qu'ils ne seront restaurés. C'est pas exactement ce qu'ils contiennent. Parfois, des manuscrits ont été restaurés, mais pour restaurer des manuscrits, on utilise un acide pour détacher les pages. Et ici, vous avez un exemple donc, de manuscrits qui a été restauré. Le problème est que cet acide qui permet de détacher les pages et de lisser les pages, parce que voilà, le parchemin s'agglutine, se froisse, se rétrécit. Donc cet acide fait que le parchemin devient très fin et l'encre traverse la page. Donc vous lisez en même temps le recto et le verso, ce qui est très compliqué, je vous l'assure. Et donc ce que je faisais au début pour essayer de lire, c'était de prendre une photo d'un recto, puis une photo du verso, puis de voir sur mon ordinateur ce que je pouvais lire. Mais c'était très compliqué, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir recours à une technologie qui est vraiment nouvelle, qui s'appelle l'imagerie multispectrale. Une technique qui consiste à le fait de prendre des photos avec des spectres de lumière différents qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et ensuite, avec un ordinateur, on combine les différentes images pour avoir l'image la plus lisible possible. C'est vraiment incroyable. Moi, je n'y croyais pas. J'étais un peu méfiant. Et en fait, ça marche vraiment. Là, j'arrive à lire ici ce que je n'arrivais pas à lire à l'œil nu. Et donc, dans ce manuscrit à Turin, j'ai trouvé pas n'importe quel épisode, l'épisode dans lequel Ségurant arrive à tuer le monstre. Ségur. Alors qu'on nous disait dans la version la plus ancienne que Ségurant, en réalité, ne pouvait pas tuer le monstre, puisque le monstre était un diable, et qu'il fallait qu'il trouve le Saint Graal. Mais l'épisode du Graal, en 10 ans de recherche, je ne l'ai pas trouvé. Si bien que je me demande si le Graal existe, c'est-à-dire si cet épisode du Graal a jamais été écrit, s'il est perdu à tout jamais, ou alors peut-être on ne pouvait pas raconter l'histoire du Graal qui aurait brisé un peu cette histoire qui se base sur finalement une antiquette, une quête impossible. Le charme de ce personnage est de poursuivre un dragon qui n'est qu'une illusion. C'est déjà un Don Quichotte en quelque sorte qui poursuit des êtres imaginaires, qui est lancé dans une antiquette, qui est un héros improbable, différent des autres. Et peut-être, justement, s'il trouvait le Graal, ça aurait été un peu comme un autre chevalier. Un peu décevant. Peut-être, en tout cas, c'est une hypothèse, je crois que tu as formulée. Quand on écrit ce roman, la légende arthurienne, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il y a une matière, et donc se pose sans doute pour l'auteur la question de... comment faire pour que son récit soit cohérent, puisse s'insérer avec ce que finalement tout le monde connaît de la légende arthurienne, et qui ne soit pas taxé de quelque chose qui entrerait pas, ne serait pas cohérent. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Absolument, c'était vraiment un grand défi, parce que la légende arthurienne, la littérature arthurienne, est une littérature qui est faite de plusieurs œuvres. Donc, quand un nouvel auteur arrive, se pose la question de comment il va s'insérer dans une matière déjà écrite. Comment écrire l'histoire du meilleur chevalier au monde alors que Lancelot, Yvain, Perceval existaient déjà en quelque sorte. Donc, il fallait trouver un moyen. Et l'auteur anonyme a trouvé un moyen très intelligent, très malin, qui est celui de faire que ce chevalier, tout d'abord, naît dans une île éloignée dans la cour du roi Arthur, qui a un nom incroyable, qui est l'île Non-Sachant. Alors, Non-Sachant, à l'ancien français, signifie à la fois naïf et inconnu. Il a un sens actif et passif, c'est celui qui ne connaît pas et celui qui n'est pas connu. Donc, c'est comme le personnage lui-même. C'est une magnifique invention que d'inventer un nouvel espace pour un nouveau héros. Mais aussi, lorsque ce chevalier est le meilleur chevalier au monde à la cour du roi Arthur, il le fait disparaître. C'est-à-dire qu'il disparaît en poursuivant un dragon, et il ne s'arrête pas là. La fée Morgane raconte au roi Arthur que Séguran, en réalité, n'a jamais existé. Et tous les chevaliers de la table ronde y croient. Donc Séguran est enfin oublié. La chose amusante, c'est que le sortilège de Morgane a été si puissant qu'ensuite, le roman lui-même a été oublié. On a finalement ce procédé narratif qu'on retrouve parfois, hein, aujourd'hui encore, dans le cinéma, dans les séries, qui vient jeter le doute et qui permet d'avoir un peu cette chose incroyable, y compris pour un lecteur du XIIIe siècle qui se dit « Mais ce Séguran, j'aurais dû en entendre parler, si c'est le meilleur chevalier du monde. » Alors, meilleur chevalier du monde, moi, je ne savais pas que c'était un titre qui existait. Je savais que Guillaume le Maréchal avait été désigné comme ça par Philippe Auguste. Très, très concrètement, dans le roman, comment est-ce que Séguran devient, j'allais dire presque officiellement, le meilleur chevalier du monde? Alors, on le voit, parce que ce qui est très touchant dans ce roman, c'est que c'est en quelque sorte un roman initiatique dans lequel on suit les pas de ce personnage, on découvre en fait l'univers du roi Arthur avec lui. Donc tout d'abord, il est dans sa petite île où il est vainqueur d'une chasse au lion. Puis il quitte son île, il rencontre son oncle qui est le héros le plus célèbre de son lignage, il le vainc. Et ensuite, il participe à plusieurs tournois où il invente une épreuve incroyable qui est celle de se mettre à la place de la quintaine. La quintaine était ce mannequin que les chevaliers devaient frapper avec une lance. C'était un mannequin avec un bras armé, donc c'était un exercice d'agilité dans lequel le chevalier devait frapper le bouclier de ce mannequin sans être frappé en retour. Et donc, lui se met au centre de la piste de joute pour recevoir toutes les lances sur son écu. C'est une épreuve qui est impossible techniquement, puisque quand deux chevaliers s'affrontent à la lance, la force n'est pas celle du bras du chevalier, c'est la vitesse du cheval. Donc, lui, il reste figé au milieu de la piste de joute et voilà qu'il ne bouge absolument pas. Les chevaliers sont renversés, etc. Donc on voit qu'il va gagner le tournoi organisé par le roi Arthur, puisque dans chaque tournoi, donc dans ces compétitions sportives en quelque sorte, je dis pour les plus jeunes, hein, on peut imaginer les tournois comme des compétitions sportives entre chevaliers, hein, en quelque sorte, ce sont des compétitions pour montrer qui est le meilleur chevalier. Eh bien, on comprend que c'est lui qui va vaincre ce tournoi. Et c'est là donc que la fée Morgane intervient, puisqu'elle craint ce chevalier. Alors elle déteste évidemment tous les chevaliers de la table ronde, elle déteste son frère Arthur, et elle a peur de ce chevalier trop puissant qui aide le roi Arthur. Et quand tu dis qu'il vainc les chevaliers, c'est jamais avec une, comment dire, nuance, 400 dans son île de départ, 1000 au tournoi de Winchester, c'est-à-dire que l'exploit est vraiment absolument inimaginable quand les chevaliers ne font pas demi-tour, parce qu'après avoir vu les premiers vaincus, certains renoncent. Moi, un élément qui m'a interrogé, c'est en quoi Séguran il est finalement proche des autres chevaliers, en quoi il s'en distingue éventuellement. Alors, tu nous dis déjà qu'il se distingue par cette épreuve impossible, donc l'auteur, on ne l'a pas dit, anonyme. a créé un nouveau personnage, a créé une nouvelle épreuve. Est-ce qu'il y a d'autres différences, d'autres singularités dans ce personnage de Ségurant par rapport à ce que, je dirais, ce qui est le profil type d'un chevalier de la table ronde? La chose la plus évidente, c'est que Ségurant n'est pas amoureux. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que tous les chevaliers de la table ronde accomplissent des exploits pour une dame. On peut penser à Lancelot pour Guenièvre ou Tristan, qui à la base n'est pas un chevalier de la table ronde, mais qui au XIIIe siècle est rapporté, en quelque sorte inséré à la table ronde, pour donc Iseux. Et donc, Ségurant n'est pas amoureux. Et c'est quelque chose qui trouble les copistes, les lecteurs, parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau. Un chevalier qui n'accomplit pas des exploits pour une dame, il accomplit des exploits pour lui-même, pour la famille. Et donc, c'est quelque chose de si nouveau que un copiste en Italie, en fait, invente une histoire d'amour. En Italie, on met de l'amour partout, absolument. Et en fait, mais ça manquait en quelque sorte. C'était le chevalier qui n'est pas amoureux. C'est le chevalier qui est lancé dans une antiquette. Donc, c'est en quelque sorte déjà un anti-héros. Et aussi, c'est un chevalier qui a des traits atypiques, des traits grotesques. Par exemple, il mange beaucoup trop. Alors, il voit un sanglier, il le fait rôtir avec la peau, il le mange comme ça. Donc, c'est quelque chose qui étonne les convives qui sont habitués aux bonnes manières à la cour. Donc, c'est un chevalier qui est très atypique. Et on voit que l'histoire évolue vers quelque chose auquel on n'est pas habitué si on est lecteur de romans arthuriens. On trouve Ségurant avec des paysans dans un monde qui n'est pas courtois. Donc vraiment, c'est un roman qui est vraiment très nouveau par rapport aux autres romans. Ce qui est étonnant, c'est qu'il remonte au XIIIe siècle, donc c'est l'un des plus anciens romans arthuriens. Mais déjà, il annonce l'évolution du roman arthurien. Donc c'est vraiment, en quelque sorte, un chaînon manquant entre les premiers romans arthuriens et ensuite cette littérature qui va se développer à la Renaissance avec un regard ironique. Je pense à l'Arioste, le Roland furieux de l'Arioste, où il y a cette vision ironique de la chevalerie en Italie, mais je pense aussi, bien sûr, après à Don Quichotte, dans lequel on fait la parodie de la chevalerie, dans lequel on va rire de la chevalerie. Mais déjà, dans Ségurant, il y a ce regard ironique sur la matière, il y a une mise à distance, en tout cas, une mise à distance par rapport à l'amour, par rapport à la chevalerie. Et Ségurant aussi a un compagnon très drôle qui s'appelle Dinadan. Et ce Dinadan, c'est celui qui est une sorte de chevalier bouffon qui critique l'amour, qui explique pourquoi il ne faut pas être amoureux, pourquoi le roi Arthur est un couard, etc. Donc vraiment, là, on est dans un renversement, mais qui intervient assez tôt, de cette matière. Alors, tu évoques la chronologie. Est-ce que tu peux nous dire un mot de comment on date? Alors, deux choses, on va peut-être, et puis tu pourras nous l'expliquer. D'un côté, le manuscrit, que l'on retrouve, l'objet matériel, et puis de l'autre côté, l'histoire qu'il contient, comment on procède? Oui, en effet, on a cette difficulté-là quand on s'intéresse au texte du Moyen-Âge, c'est que les copistes ne mettaient pas une date. Ce serait bien plus simple si le copiste mettait la date du manuscrit, ça nous aurait résolu beaucoup de problèmes. Eh bien, non, c'est très rare qu'il y ait une date sur un manuscrit, donc il faut dater le manuscrit et aussi l'œuvre. Donc ce n'est pas la même chose, puisque comme je le disais avant, les manuscrits sont souvent des copies de copies de copies. Donc ce n'est pas parce qu'on date le manuscrit qu'on date l'œuvre même. Donc comment on fait sur un manuscrit? On a plusieurs techniques. Tout d'abord, une technique qui est celle de la paléographie, c'est-à-dire de dater l'écriture. Alors l'écriture évolue siècle par siècle. Quand on a vu beaucoup de manuscrits, on arrive à dater à 25 ans après ou à 50 ans après selon la période, en voyant comment un manuscrit est écrit, donc en observant les formes de chaque lettre, etc. Ça, c'est une première chose. Quelque chose que j'ai pu faire, par exemple, à la bibliothèque de l'Arsenal, c'est qu'il y a parfois une mention, ce qu'on appelle un ex libris, donc en quelque sorte une signature, dont j'ai pu comprendre qui avait mis cet ex libris, donc une écriture qui était entièrement effacée, que j'ai dû lire avec la lumière ultraviolette, mais j'ai tout de même réussi à comprendre de qui il s'agissait. Et donc, grâce à cette lecture de cet ex libris, je sais que le manuscrit antérieur à la mort de ce personnage, si ce personnage a signé sur le manuscrit. Donc ça, c'est un autre élément. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, je l'ai daté entre 1390, donc sur la base de son écriture, et 1403, donc, parce qu'en 1403, c'est la mort de ce personnage qui a signé. Donc, vous voyez, on arrive à quelque chose qui vous paraît peut-être très large, mais pour le Moyen-Âge, c'est très très précis. Enfin, 13 ans, c'est déjà, c'est vraiment, enfin, une vingtaine d'années, c'est déjà, voilà. Oui, 13 ans, c'est vraiment très peu. On va bien réussir à tout dater aussi finement. Aussi finement, oui. Et en revanche, le texte est plus ancien. Donc le texte, je l'ai retrouvé dans plusieurs manuscrits qui remontent au XIIIe siècle. Comment on le sait, bah, l'écriture, c'est une écriture du XIIIe siècle. Et on peut dater aussi le roman par rapport à d'autres textes. Le problème, c'est que les autres textes aussi ont une fourchette qui n'est pas très précise. Bon, donc on travaille avec les informations qu'on a. Donc, dans le cas de Séguron le Chevalier au Dragon, je peux le dater entre 1240 et 1273. Donc, je l'ai daté par rapport à deux autres romans, par rapport à Guiron le Courtois, qui est un roman qui a été écrit avant 1240. Donc, on le sait parce que Séguron reprend des personnages à Guiron le Courtois. Mais en fait, Séguron est antérieur aux prophéties de Merlin, qui est un texte écrit en Italie et en français entre 1272 et 1273, et un texte dans lequel on célèbre Séguron comme le meilleur chevalier au monde. Donc, les aventures de Séguron étaient déjà connues à cette époque-là. Et quand on a des textes plus tardifs, parce que tu nous disais 28 manuscrits, donc il y a le récit principal, mais il y a aussi des compléments. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces compléments et puis, comment on les date, eux ? Parce que du coup, puisque c'est des compléments, des ajouts, en quelque sorte, j'imagine que là aussi, ce n'est pas évident de savoir est-ce qu'on a fait ces ajouts 25, 50, un siècle plus tard ? Oui, tout à fait. Donc, alors, les fragments que j'ai trouvés, les autres fragments, je les ai classés soit comme version complémentaire, c'est-à-dire ce qui apporte un complément à la version la plus ancienne, ce qui est, disons, cohérent avec la version la plus ancienne. Ces fragments, sur la base paléographique, donc de l'analyse de l'écriture, ils remontent au XIIIe siècle. Donc, il remonte à la même époque de ce texte. Alors, difficile de dire, est-ce que c'est le même auteur ? Est-ce que c'est un autre auteur ? Sans doute, c'est un autre auteur qui apporte un complément. Bon, tout ça, c'est très difficile à dire, mais en tout cas, il remonte au XIIIe siècle, ces épisodes-là, et il s'inscrit vraiment à la suite. C'est-à-dire que là où le texte interrompt l'histoire, l'autre texte, il le poursuit. Et alors, on a une chance pour les romans du Moyen-Âge, c'est que un narrateur, il nous dit, je vous ai raconté que... Et je vais vous raconter que, etc. Donc, en quelque sorte, comme quand on regarde une série aujourd'hui, on vous dit ce qui s'est passé avant, et là, on vous annonce aussi ce qui va arriver après. Donc, c'est quelque chose qui nous aide aussi qui m'a aidé, en tout cas, à raccrocher des versions. Et puis, on voit, les versions alternatives sont des versions qui ont puisé à la version la plus ancienne, qui ont repris en concret deux épisodes, mais ont réécrit entièrement l'histoire, sans doute parce qu'ils n'aimaient pas l'histoire tel quel, ça se comprend, parce que Séguron n'est pas amoureux, donc il y a une version, il a pris les deux épisodes centrales où Séguron est victorieux partout, mais bon, il lui fait trouver une femme, parce que c'était un peu inacceptable d'avoir un chevalier sans une dame, et l'autre dans lequel, voilà, on suit la quête du dragon, mais ensuite Séguron le tue, voilà, donc en quelque sorte, ce sont des copistes qui ramènent le récit vers quelque chose de plus traditionnel, alors que le récit en soi, il est très étonnant par rapport à son époque. Par rapport à ce récit, alors tu nous dis qu'il n'a pas de dame. Est-ce que ce serait extrapolé que d'imaginer que finalement, sa dame, celle pour laquelle il accomplit sa quête par maléfice, eh bien, c'est Morgane ? En quelque sorte, oui. Alors, dans plusieurs romans, Morgane essaye d'avoir une relation avec les chevaliers, donc on pourrait le lire aussi comme ça. Mais peut-être qu'il y a juste un dragon et le dragon remplace la dame, on peut aussi dire ça. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a étonné. Il y a une formule que j'aime beaucoup dans ce roman. Quand Séguron, donc, il traverse un mur de feu, c'est un mur de feu enchanté, donc il se retrouve ensorcelé. Et après, le texte, il nous dit, il s'oublie lui-même et il oublie les autres. Il oublie soi-même et autres, le texte dit. Et c'est une formule qu'on retrouve souvent en deux cas, dans des textes mystiques donc qui décrivent l'amour de Dieu, donc on s'oublie soi-même pour Dieu, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'amour courtois, qui reprend d'ailleurs les codes de l'amour mystique, c'est-à-dire le chevalier pour la dame s'oublie lui-même. Ce qui est amusant, c'est qu'ici, les codes ont été repris, mais pour remplacer l'amour par une aventure merveilleuse, et donc Séguron s'oublie non pas pour une dame, mais pour un dragon qui n'existe même pas. Alors, tu viens de nous parler de cet épisode où il traverse un mur de feu. Est-ce que c'est le seul personnage dans la littérature qu'on voit comme ça traverser un mur de feu, ou est-ce qu'on peut trouver des racines, des inspirations, des liens avec d'autres personnages? Je fais un parallèle, moi, entre Séguran et un autre personnage légendaire qui est Siegfried. Donc Siegfried, le héros germanique qui tue un dragon, qui traverse un mur de feu et tue un dragon. Et donc lié aussi à un personnage scandinave, c'est en réalité le même personnage qui s'appelle Sigurd. Siegfried Sigurd est en réalité le même personnage. Et en effet, on a plusieurs points en commun. C'est un chevalier, un héros qui est lié à une famille noble de stature merveilleuse. Il traverse un mur de feu. Il y a une aventure avec un dragon. Il possède un trésor enchanté. Alors, Séguran possède une pierre merveilleuse qui fait une lumière incroyable le jour et la nuit. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments en commun. Et aussi, ils ont un nom qui est très proche, si vous y pensez. Séguran et Siegfried Sigurd. Il faut savoir que dans les plus anciens manuscrits, Séguran est appelé Siguran. Entre Siguran, Siegfried et Sigurd, on est vraiment très très proche. Si bien que je pense vraiment qu'il peut y avoir une contamination, une influence. Et d'ailleurs, j'ai pu prouver que ces légendes ont pu rentrer en contact, puisque en Italie, au Castello di Roncolo, donc c'est un château dans les Alpes italiennes, non loin de Venise, qui est peut-être le lieu d'où provient ce roman. Ce roman a été écrit donc en ancien français, mais en Italie, sans doute dans la région de Venise, comme on le voit selon certains traits linguistiques. Là, en fait, dans ce château, il y a des fresques qui montrent Siegfried et le roi Arthur à côté. Donc cela montre vraiment que la légende arthurienne et les légendes germaniques ont pu se rencontrer. C'est quelque chose qu'on ignorait ça. On imagine toujours le Moyen-Âge comme une période très fermée dans laquelle on ne circule pas, dans laquelle les légendes ne circulent pas. C'est vraiment le contraire, les légendes circulent beaucoup. Et en fait, oui, la légende de Siegfried a pu rencontrer la légende du roi Arthur. Et si c'est le cas, Séguran est vraiment le produit d'une rencontre de culture européenne, un produit de rencontre assez incroyable, puisque c'est une légende celte qui parvient à langue française, qu'on écrit en Italie, mais où en fait on se rattache à un personnage germanique scandinave, si bien que Séguran, c'est un peu Siegfried qui est ramené à la table ronde. Des origines multiples, un peu dispersées, et puis des manuscrits qui le sont aujourd'hui. J'ai perdu le décompte, hein. J'avais commencé, mais je crois qu'il y a une petite vingtaine de villes où tu as des fragments. Oui, des fragments, il y en a plusieurs, oui, une vingtaine, à Paris. Est-ce qu'on a une idée de la notoriété qu'a eu ce roman, sa diffusion au sein de la noblesse au Moyen-Âge? Est-ce qu'on sait si c'est un roman je ne sais pas, que le seigneur du château d'Épinal a pu lire, ou que des seigneurs, on va dire, qui ne sont pas dans les plus grandes cours, ont peut-être été amenés alors à lire ou à écouter? Est-ce que c'est des romans aussi qu'on pouvait entendre, parce qu'on parle de la lecture, mais est-ce que ces manuscrits étaient lus, récités? En fait, très souvent, ces romans, on le sait, ils étaient lus à haute voix pour toute la cour, en quelque sorte. Alors, c'est très difficile de savoir quelle est la diffusion précise d'un texte, mais comme je l'ai dit, il y a deux épisodes traduits en italien, deux mentions en espagnol, une mention en anglais, puisque le français est une langue qui n'est pas lue seulement en France, hein. Et donc, on sait que ce texte a eu une grande diffusion. Un autre élément qui peut nous donner une piste, 28 manuscrits, ça nous paraît très peu aujourd'hui, mais pour le Moyen-Âge, c'est vraiment beaucoup, parce que 28 manuscrits signifie beaucoup plus de manuscrits. Aujourd'hui, on estime que 90% des manuscrits du Moyen-Âge n'existent plus. Donc, il y a eu une perte immense. Donc, 28 manuscrits, c'est beaucoup. Il faut savoir qu'on a des chefs-d'œuvre du Moyen-Âge conservés parfois dans un seul manuscrit ou cinq. Par exemple, les Lais de Marie de France, c'est l'un des plus beaux textes du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on le considère le chef-d'œuvre, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française du Moyen-Âge. Il est conservé dans 5 manuscrits seulement. Vous voyez, 28 manuscrits, finalement, c'est beaucoup. C'est une grande diffusion. Alors, qui lisait ces textes? Bien sûr, les nobles, dans les cours, on lisait ces textes. Mais avec Séguran, il y a quelque chose de nouveau aussi. On voit certains manuscrits qui ne sont pas des manuscrits précieux, qui sont des manuscrits avec un parchemin troué. On se demande si ce n'est pas aussi la nouvelle classe bourgeoise qui lit. Et ça se comprend aussi par rapport à son contexte, c'est-à-dire c'est un texte qui a été écrit en Italie, à un moment où la classe bourgeoise est émergente. J'ai pu identifier aussi un atelier précis qui a copié certains manuscrits entre Pise et Gênes. Et c'est un atelier dans une prison à Gênes. Les prisonniers pisans à Gênes, ils ont monté un atelier pour avoir de l'argent pour pouvoir être libérés de la prison. Et alors, on voit ces manuscrits écrits dans cet atelier, et il y a parmi ces manuscrits un manuscrit aussi de avec quelques épisodes de Ségurant, hein, ce qui montre que sans doute, il y a aussi une nouvelle classe qui lit, qui est la classe bourgeoise. Et je pense aussi que cette évolution de la légende en Ségurant est liée aussi à cette classe bourgeoise. Pourquoi, par exemple, montrer des bourgeois dans ce roman? C'est nouveau. Pourquoi montrer des paysans? Pourquoi montrer le monde extérieur à la cour? Sans doute parce que c'est la nouvelle classe bourgeoise. Quelque chose qui me frappe aussi dans ce roman, c'est que, par exemple, on donne une importance très particulière au coût des choses. On nous dit cette chose a coûté tant, c'est-à-dire, donc on fait l'éloge des différentes étoffes, etc. Et on peut penser que la classe marchande est aussi friande de ça. Donc on voit vraiment une évolution qui est peut-être liée aussi à l'ouverture de cette littérature arthurienne vers une nouvelle classe. C'est quelque chose de vraiment nouveau à cette époque. Déjà la conquête des nouveaux publics. Exactement. On va passer à la phase des questions. Peut-être, allez, la dernière pour moi. Est-ce que depuis la publication, donc, enfin la publication, déjà la soutenance de ta thèse, le fait qu'elle était disponible pour les chercheurs, il y a des travaux qui justement d'historiens, puisqu'on sait que les historiens, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard à 14h. On a une table ronde sur écrire l'histoire et on évoquera. Parmi beaucoup d'autres choses, les sources de l'histoire. Est-ce qu'il y a un nouveau matériau, justement, non plus pour lire de la littérature, mais pour aller puiser, pour les historiens, des éléments, justement, notamment de la culture chevaleresque ou des élites? Oui, absolument. Il y a eu plusieurs historiens qui se sont intéressés, notamment parce que dans Ségurant, on décrit les tournois très bien, mais on décrit aussi l'adoubement très bien, comment la cérémonie par laquelle on devient chevalier. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux, tout en sachant que c'est un roman. Donc on ne peut pas le prendre au pied de la lettre, ce n'est pas la réalité, c'est un roman. Mais quand on n'a pas des sources pour savoir exactement comment se passaient des choses, un roman peut être précieux. Donc il y a en effet des historiens qui se sont intéressés à la description de ces rites, qui peuvent nous donner des informations de plus sur comment ce rituel avait lieu. Même si, comme je l'ai dit, c'est un roman, donc il faut faire toujours attention. Et est-ce que tu sais, ou est-ce que toi, tu avais regardé, si, je reviens un peu sur la diffusion, si on trouve des nobles qui se font prénommer Ségurant, parce qu'on sait que pour d'autres chevaliers, c'est quelque chose qu'on voit, hein, des nobles qui vont appeler leurs enfants Perceval, Lancelot. Est-ce que tu sais s'il y a déjà eu des travaux pour regarder un peu dans toutes les familles nobles? Alors là, c'est des centaines de milliers d'individus. Si on peut trouver des prénoms qui s'affilieraient à ce nouveau chevalier. Alors, c'est une recherche que j'ai faite, surtout en Italie, parce que je savais que le texte avait été écrit en Italie. En effet, j'ai trouvé des prénoms de Segurano. Donc, parce qu'en Italie, on le traduit Segurano, donc ça montre aussi, c'est un autre élément qui montre que même à la fin du Moyen-Âge, ce sont des noms que j'ai trouvés à la fin du Moyen-Âge, il y a un peintre notamment qui s'appelle comme ça, ça montre vraiment que ce texte a circulé, que des personnes ont voulu porter le prénom, donc non pas Lancelot Tristan, mais Segurano. Et peut-être aujourd'hui, il y aura des enfants qui s'appellent Segurano, qui le sait. Pourquoi pas. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Emanuele Arioli. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.